Le bal ne faisait que commencer lorsque Kitty et sa mère montèrent le grand escalier brillamment éclairé et orné de fleurs, sur lequel se tenaient des laquais poudrés en livrée rouge. Du vestibule où, devant un miroir, elles arrangeaient leurs robes et leurs coiffures avant d'entrer, on entendait un bruissement semblable à celui d'une ruche et le son des violons de l'orchestre se mettant d'accord pour la première valse. Un petit vieillard qui rajustait ses rares cheveux blancs devant un autre miroir et répandait autour de lui les parfums les plus pénétrants, regarda Kitty avec admiration. Il l'avait rencontrée sur l'escalier et se rangea pour lui faire place. Un jeune homme imberbe, de ce que le vieux prince Tcherbatsky appelait des blancs-becs, avec un gilet ouvert en cœur et une cravate blanche qu'il rectifiait tout en marchant, les salua, puis vint prier Kitty de lui accorder une contredanse. La première était promise à Vronsky, il fallut promettre la seconde au petit jeune homme. Un militaire, boutonnant ses gants, se tenait à la porte du salon. Il jeta un regard admiratif sur Kitty et se caressa la moustache. La robe, la coiffure, tous les préparatifs nécessaires à ce bal avaient certes causé bien des préoccupations à Kitty, mais qui s'en serait douté en la voyant entrer maintenant dans sa toilette de tulle rose? Elle le portait si naturellement ses ruches et ses dentelles que l'on aurait pu croire née en robe de bal avec une robe posée sur le sommet de sa jolie tête. Kitty était en beauté. Elle se sentait à l'aise dans sa robe, ses souliers et ses gants, mais le détail qu'elle approuvait le plus dans sa toilette était l'étroit velours noir qui entourait son cou et auquel, devant le miroir de sa chambre, elle avait trouvé du genre. On pouvait à la rigueur critiquer le reste, mais ce petit velours, jamais. Kitty lui sourit avant d'entrer au bal en passant devant une glace. Sur ses épaules et ses bras, elle sentait une fraîcheur marmoréenne qui lui plaisait. Ses yeux brillaient et ses lèvres roses souriaient involontairement. Elle avait le sentiment d'être charmante. À peine eut-elle paru dans la salle et se fut-elle approchée d'un groupe de femmes couvertes de tulle, de fleurs et de rubans qui attendaient les danseurs, que Kitty se vit invitée à valser par le meilleur, le principal cavalier, selon la hiérarchie du bal, le célèbre directeur de cotillon, le beau, l'élégant Georges Korsunsky, un homme marié. Il venait de quitter la comtesse Bonine, avec laquelle il avait ouvert le bal, lorsqu'il aperçut Kitty. Aussitôt, il se dirigea vers elle, de ce pas dégagé spécial au directeur de cotillon, et sans même lui demander si elle désirait danser, il entoura de son bras la taille souple de la jeune fille. Celle-ci se retourna pour chercher quelqu'un à qui confier son éventail, et la maîtresse de la maison le lui prit en souriant. « Vous avez bien fait de venir de bonne heure, » dit Korsunsky. « Je ne comprends pas le genre de venir tard. » Kitty posa son bras gauche sur l'épaule de son danseur, et ses petits pieds chaussés de rose glissèrent légèrement et en mesure sur le parquet. « On se repose en dansant avec vous, » dit-il, en faisant quelques pas moins rapides avant de se lancer dans le tourbillon de la valse. « Quelle légèreté, quelle précision, mais c'est charmant !» C'était ce qu'il disait à presque toutes les danseuses. Kitty sourit de l'éloge et continua à examiner la salle par-dessus l'épaule de son cavalier. Elle n'en était pas à ses débuts dans le monde et ne confondait pas tous les assistants dans l'ivresse de ses premières impressions. D'autre part, elle n'était pas blasée et ne connaissait pas tous ses visages au point d'en être lasse. Elle remarqua donc le groupe qui s'était formé dans l'angle de la salle à gauche. C'est là que se réunissait l'élite de la société. La belle Lydie, la femme de Korsunsky, outrageusement décolletée, la maîtresse de la maison, le chauve Krivine, qu'on voyait toujours avec la société la plus brillante. Bientôt, Kitty aperçut Stiva, puis la taille élégante d'Anna. Lui aussi était là. Kitty ne l'avait pas revu depuis la soirée de la déclaration de Levin. Ses yeux le virent de loin, et elle remarqua même qu'il la regardait. « Faisons-nous encore un tour? Vous n'êtes pas fatigué ?» demanda Korsunski, légèrement essoufflé. « Non, merci. Où voulez-vous que je vous conduise ?»« Oh, Madame Karénine est là, il me semble. Menez-moi de son côté. » « Où vous l'ordonnerez ?» Et Korsunski, ralentissant le pas, mais valsant toujours, la dirigea vers le groupe de gauche en disant sur sa route « pardon, mesdames !» Et, tournoyant adroitement dans ce flot de dentelles, de tulle et de rubans, il l'assit, après une dernière pirouette, qui rejeta sa robe sur les genoux de Krivine et le dissimula sous un nuage de tulle tout en découvrant deux petits souliers roses. Korsunski salua, se redressa d'un air dégagé et offrit le bras à sa danseuse pour l'amener auprès d'Anna. Kitty, un peu étourdie, débarrassa Krivine de ses jupes et se retourna pour chercher Madame Karénine. Celle-ci n'était pas en mauve, comme Kitty l'avait rêvé, mais en noir. Elle portait une robe de velours décolletée qui découvrait ses épaules sculpturales et ses beaux bras. Sa robe était garnie de guipures de Venise. Une guirlande de myosotis était posée sur ses cheveux noirs et un bouquet pareil attachait un nœud noir à son corsage. Sa coiffure était très simple. Elle n'avait de remarquable qu'une quantité de petites boucles qui frisaient naturellement et s'échappaient de tous côtés, aux tempes et sur la nuque. Autour de son beau cou, ferme comme de l'ivoire, était attachée une rangée de perles fines. Kitty voyait Anna chaque jour et s'en était éprise, mais elle ne sentit tout son charme et toute sa beauté qu'en l'apercevant maintenant en noir, après se l'être imaginée en mauve. L'impression fut si vive qu'elle crut ne l'avoir encore jamais vue. Elle comprit que son grand charme consistait à effacer complètement sa toilette. Sa parure n'existait pas et n'était que le cadre duquel elle ressortait, simple, naturelle, élégante et cependant pleine de gaieté et d'admiration. Lorsque Kitty parvint jusqu'au groupe où Anna causait avec le maître de la maison, la tête légèrement tournée vers lui et se tenant comme toujours extrêmement droite, elle disait « Non, je ne jetterai pas la pierre, quoique je n'approuve pas. » Et, apercevant Kitty, elle l'accueillit d'un sourire affectueux et protecteur. D'un rapide coup d'œil féminin, elle jugea la toilette de la jeune fille et fit un petit signe de tête approbateur que celle-ci comprit. « Vous faites même votre entrée au bal en dansant, lui dit-elle. » Un bal où se trouve la princesse devient aussitôt animé. Alors un tour de valse, Anna Arkadyevna, ajouta Korsunski en s'inclinant. Ah, vous vous connaissez? Demanda le maître de la maison. Mais qui ne connaissons-nous pas, ma femme et moi? Répondit Korsunski. Nous sommes comme le loup blanc. Un tour de valse, Anna Arkadyevna. Je ne danse pas quand je puis m'en dispenser. Ah, mais vous ne le pouvez pas aujourd'hui. En ce moment, Vronsky s'approcha. Eh bien, dans ce cas, dansons, dit-elle en prenant vivement le bras de Korsunski, sans faire attention au salut de Vronsky. Mais pourquoi lui en veut-elle? Pensa Kitty, qui remarqua fort bien que c'était avec intention qu'Anna ne répondait pas à Vronsky. Celui-ci s'approcha de Kitty, lui rappela la première contredanse et lui exprima le regret de ne pas l'avoir vue de quelque temps. Kitty regardait Anna danser et l'admirait tout en écoutant Vronsky. Elle s'attendait à être invitée par lui à valser et, comme il n'en faisait rien, elle le regarda d'un air étonné. Il rougit, l'invita avec une certaine hâte. Mais à peine avait-il fait les premiers pas que la musique cessa. Kitty regarda son danseur. Son visage était si près du sien pendant longtemps. Bien des années après, elle ne put se rappeler un regard plein d'amour auquel il ne répondit pas, sans qu'aucun sentiment de honte lui déchirât le cœur. Pardon, pardon, valse, valse, cria Volsunsky de l'autre côté de la salle, et s'emparant de la première danseuse venue, il recommença à danser. Vronsky fit quelques tours de valse avec Kitty, puis celle-ci retourna auprès de sa mère. À peine eut-elle le temps d'échanger quelques mots avec la comtesse Nordston que Vronsky vint la chercher pour la contredanse. Ils causèrent à bâton rompu de Korsunsky et de sa femme, que Vronsky dépeignit gaiement comme d'aimables enfants de 40 ans du théâtre de société qui s'organisait. À un moment donné, cependant, il l'émut vivement, lui demandant si Lévin était encore à Moscou, ajoutant qu'il lui plaisait beaucoup. Mais Kitty ne comptait pas sur la contredanse. Ce qu'elle attendait avec un violent battement de cœur, c'était le cotillon. C'est alors, lui semblait-il, que tout devait se décider. Quoique Vronsky ne l'eût pas invitée pendant la contredanse, elle était sûre de danser le cotillon avec lui, comme à tous les bals précédents, elle en était si sûre qu'elle avait refusé 5 invitations, se disant engagée. Tout ce bal, jusqu'au dernier quadrille, fut pour Kitty semblable à un rêve enchanteur, plein de fleurs, de sons joyeux, de mouvements. Elle ne cessait de danser que lorsque les forces lui manquaient et qu'elle implorait un moment de répit. Mais en dansant le dernier quadrille avec un des petits jeunes gens ennuyeux, elle se trouva faire vis-à-vis à Vronsky et à Anna. Celle-ci, dont elle ne s'était pas approchée depuis son entrée au bal, lui apparut cette fois encore sous une forme nouvelle et inattendue. Kitty crut remarquer en elle les symptômes d'une surexcitation qu'elle connaissait par expérience, celle du succès. Anna lui en parut grisée. Kitty savait à quoi attribuer ce regard brillant et animé, ce sourire heureux et triomphant, ses lèvres entrouvertes, ses mouvements pleins de grâce et d'harmonie. « Mais qui en est cause ?» se demanda-t-elle. « Tous ou un seul ?» Elle laissa son malheureux danseur chercher vainement à renouer le fil d'une conversation interrompue, et tout en se soumettant de bonne grâce, en apparence, aux ordres bruyants de Korsunsky, décrétant le grand rond puis la chaîne, elle observait et son cœur se serrait de plus en plus. « Non, ce n'est pas l'admiration de la foule qui l'enivre ainsi. C'est l'admiration d'un seul. Mais qui est-il ? Serait-ce lui ?» Chaque fois que Vronsky adressait la parole à Anna, les yeux de celle-ci s'illuminaient et un sourire de bonheur entr'ouvrait ses belles lèvres. Elle semblait chercher à dissimuler cette joie, mais le bonheur ne s'en peignait pas moins sur son visage. « Et lui ?» pensa Kitty. Elle le regarda et fut épouvantée. Le sentiment qui se reflétait comme dans un miroir sur les traits d'Anna était tout aussi visible sur le sien. Où était ce sang-froid, ce maintien calme, cette physionomie toujours au repos ? Maintenant, en s'adressant à sa danseuse, sa tête s'inclinait comme s'il était prêt à se prosterner. Son regard avait une expression tout à la fois humble et passionnée. « Je ne veux pas vous offenser, disait ce regard, mais je voudrais sauver mon cœur, et le puis-je ?» Leur conversation ne roulait que sur des banalités, et cependant, à chacune de leurs paroles, il semblait à Kitty que son sort se décidait. Pour eux aussi, chose étrange, tout en parlant du drôle de français d'Ivan Ivanitch et du sot mariage de Mademoiselle Lidsky, chaque mot prenait une valeur particulière dont il sentait la portée autant que Kitty. Dans l'âme de la pauvre enfant, le bal, l'assistance, tout se confondit comme dans un brouillard. Seule la force de l'éducation la soutint et l'aida à faire son devoir, c'est-à-dire à danser, à répondre aux questions qui lui étaient adressées, même à sourire. Mais au moment où le cotillon s'organisa, où l'on commença à placer les chaises et à quitter les petits salons pour se réunir dans le grand, il lui prit un accès de désespoir et de terreur. Elle avait refusé 5 danseurs, n'était pas invitée, et n'avait plus aucune chance de l'être parce que ses succès dans le monde rendaient invraisemblable qu'elle n'eût pas de cavalier. Il lui aurait fallu dire à sa mère qu'elle était souffrante et quitter le bal, mais elle n'en eut pas la force. Elle se sentait anéantie. Elle s'enfuit dans un boudoir et tomba sur un fauteuil. Les flots vaporeux de sa robe enveloppaient comme d'un nuage sa taille frêle. Son bras de jeune fille, maigre et délicat, retombait sans force et comme noyé dans les plis de sa jupe rose. L'autre bras agitait nerveusement un éventail devant son visage brûlant. Mais quoiqu'elle eût l'air d'un joli papillon retenu dans les herbes et prêt à déployer ses ailes frémissantes, un affreux désespoir lui brisait le cœur. « Je me trompe peut-être, tout cela n'existe pas. » Et elle se rappelait ce qu'elle avait vu. « Kitty, que se passe-t-il ? » dit la comtesse Norston, qui s'était approchée d'elle sans qu'elle entendît ses pas sur le tapis. Les lèvres de Kitty tressaillirent, elle se leva vivement. « Kitty, tu ne danses pas le cotillon ?»« Non, non, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Mais il l'invite devant moi, » dit la Norston, sachant bien que Kitty comprenait de qui il s'agissait. Elle lui a répondu « Vous ne dansez donc pas avec la princesse Scherbansky ?» « Oh, tout cela m'est égal, » répondit Kitty. Elle était seule, à savoir que la veille, un homme qu'elle aimait peut-être avait été sacrifié par elle à cet ingrat. La comtesse alla chercher Korsunski, avec lequel devait danser le cotillon, et l'engagea à inviter Kitty. Par bonheur pour Kitty, elle ne fut pas obligée de causer. Son cavalier, en sa qualité de directeur, passant son temps à courir de l'un à l'autre et à organiser des figures. Vronsky et Anna dansaient presque vis-à-vis d'elle. Kitty les voyait tantôt de loin, tantôt de près, et quand leur tour de danser revenait, et plus elle les regardait, plus elle sentait son malheur consommé. Ils étaient seuls malgré la foule, et sur le visage de Vronsky, d'habitude si impassible, Kitty remarqua cette expression frappante d'humilité et de crainte qui fait penser à un chien intelligent quand il se sent coupable. Anna souriait, il répondait à son sourire. Semblait-elle réfléchir, il devenait sérieux. Une force presque surnaturelle attirait les regards de Kitty sur Anna. Elle était séduisante avec sa robe noire, ses beaux bras couverts de bracelets, son cou élégant entouré de perles, ses cheveux noirs frisés un peu en désordre. Les mouvements légers et gracieux de ses petits pieds, son beau visage animé, tout en elle était attrayant. Mais ce charme avait quelque chose de terrible et de cruel. Kitty l'admirait plus encore qu'auparavant, tout en sentant croître sa souffrance. Elle était écrasée et son visage le disait. Vronsky, en passant près d'elle dans une figure, ne la reconnut pas immédiatement, tant ses traits étaient altérés. « Oh, quel beau bal !» dit-il pour dire quelque chose. « Oh oui !» répondit-elle. Vers le milieu du cotillon, dans une manœuvre récemment inventée par Korsunski, Anna, sortant du cercle, eut à appeler 2 cavaliers et 2 dames. L'une d'elles fut Kitty, qui s'approcha toute troublée. Anna, fermant à demi les yeux, la regarda et lui serra la main avec un sourire, mais remarquant aussitôt l'expression de surprise désolée avec laquelle Kitty répondit, elle se tourna vers l'autre danseuse et lui parla d'un ton animé. Oui, il y en a une séduction étrange, presque infernale, pensa Kitty. Anna ne voulait pas rester au souper, et le maître de la maison insistait. Mais restez donc, Anna Arkadievna, lui dit Korsunski, en lui prenant le bras. Quelle invention que mon cotillon, n'est-ce pas un bijou? Et il essaya de l'entraîner, le maître de la maison l'y encourageant d'un sourire. Non, je ne puis rester, répondit Anna en souriant aussi. Mais malgré ce sourire, les deux hommes comprirent au son déterminé de sa voix qu'elle ne resterait pas. Non, car j'ai plus dansé en une seule fois à votre bal de Moscou que dans tout mon hiver à Pétersbourg. Et elle se tourna vers Vronsky qui se tenait près d'elle. Il faut se reposer avant le voyage. « Et vous partez décidément demain ?» demanda-t-il. « Oui, je pense, » répondit Anna, comme étonnée de la hardiesse de cette question. Pendant qu'elle lui parlait, l'éclat de son regard et de son sourire brûlait le cœur de Vronsky. Anne n'insista pas au souper et partit. « Il doit y avoir en moi quelque chose de répulsif, » pensait Lévin, en sortant de chez les Cherbatsky pour entrer chez son frère. Je ne plais pas aux autres hommes. On dit que c'est de l'orgueil. Je n'ai pas d'orgueil. Me serais-je mis dans la situation où je suis, si j'en avais? Et il se figurait Vronsky heureux, aimable, tranquille, plein d'esprit, ignorant jusqu'à la possibilité de se trouver dans une position semblable à la sienne. Elle devait le choisir, c'est naturel, et je n'ai à me plaindre de rien ni de personne. Il n'y a de coupable que moi. Quel droit avais-je de supposer qu'elle consentirait à unir sa vie à la mienne? Qui suis-je? Que suis-je? Un homme inutile à lui-même et aux autres. Et le souvenir de son frère Nicolas lui revint. N'a-t-il pas raison de dire, lui, que tout est mauvais et détestable en ce monde? Avons-nous jamais été justes en jugeant Nicolas? Certainement aux yeux de Prokof, qu'il a rencontré ivre et en plus déchiré. C'est un être méprisable, mais mon point de vue est différent. Je connais son cœur et je sais que nous nous ressemblons. Et moi, qui au lieu d'aller le chercher, ai été dîner et suis venu ici. Lévin s'approcha d'un réverbère pour déchiffrer l'adresse de son frère et appela un Yavolchik. Pendant le trajet, qui fut long, Lénine se rappela un à un les incidents de la vie de Nicolas. Il se souvint comment, à l'université et un an après l'avoir quitté, son frère avait vécu comme un moine, sans tenir compte des plaisanteries de ses camarades, accomplissant rigoureusement toutes les prescriptions de la religion, office, carême, fuyant tous les plaisirs et surtout les femmes. Comment, plus tard, il s'était laissé entraîner et lier avec des gens de la pire espèce pour mener une vie de débauche. Il se rappela son histoire avec un petit garçon qu'il avait pris à la campagne pour l'élever et qu'il battit de telle sorte dans un accès de colère qu'il faillit être condamné pour sévices et mutilations. Il se souvint de son histoire avec un escroc auquel il avait donné une lettre de change pour payer une dette de jeu et qu'il avait ensuite traduit en justice pour l'avoir trompé. C'était précisément la lettre de change que venait de payer Serge Ivanovitch. Il se souvint de la nuit que Nicolas passa au poste pour désordre nocturne, du procès scandaleux entamé contre son frère Serge lorsqu'il accusa celui-ci de ne pas vouloir lui payer sa part de la succession de leur mère, et enfin de sa dernière aventure lorsque, Ayant pris un emploi par les gouvernements de l'Ouest, il fut traduit en jugement pour coup porté à un supérieur. Tout cela était odieux, mais pour Lévin, l'impression était moins mauvaise que pour ceux qui ne connaissaient pas Nicolas, car il s'imaginait connaître le fond de ce cœur et sa véritable histoire. Lévin n'oubliait pas qu'au temps où Nicolas avait cherché dans les pratiques de la dévotion un frein à ses mauvaises passions, personne ne l'avait approuvé ou soutenu. Chacun, au contraire, lui le premier, l'avait tourné en ridicule. Puis lorsqu'était venue la chute, personne ne chercha à le relever. On le fuyait avec horreur et dégoût. Lévin sentait que Nicolas, dans le fond de son âme, ne devait pas se trouver plus coupable que ceux qui le méprisaient. Était-il responsable de sa nature indomptable, de son intelligence bornée? N'avait-il pas cherché à rester dans la bonne voie? Oh, je lui parlerai à cœur ouvert et l'obligerai à en faire autant, et je lui prouverai que je le comprends parce que je l'aime. Il se fit donc conduire à l'hôtel indiqué sur l'adresse vers 11 heures du soir. En haut, numéro 12 et 13, répondit le Suisse de l'hôtel. Est-il chez lui? Oh, probablement. La porte du numéro 12 était entr'ouverte et il sortait de la chambre une épaisse fumée de tabac de qualité inférieure. Lévin entendit le son d'une voix inconnue, puis il reconnut la présence de son frère en l'entendant tousser. Quand il entra dans une espèce d'antichambre, la voix inconnue disait: tout dépend de la façon raisonnable et rationnelle dont l'affaire sera menée. Lévin jeta un coup d'œil dans l'entrebâillement de la porte et vit que celui qui parlait était un jeune homme, vêtu comme un homme du peuple, un énorme bonnet sur la tête. Sur le divan était assise une jeune femme grêlée, en robe de laine, sans col et sans manchette. Le cœur de Constantin se serra à l'idée du milieu dans lequel vivait son frère. Personne ne l'entendit, et tout en ôtant ses galoches, il écouta ce que disait l'individu mal vêtu. Il parlait d'une affaire qu'il cherchait à conclure. « Oh, que le diable les emporte, les classes privilégiées !» dit la voix de son frère après avoir toussé. « Macha, tâche de nous avoir à souper et donne-nous du vin s'il en reste. Sinon, bah, fais-en chercher. » La femme se leva et en sortant aperçut Constantin de l'autre côté de la cloison. « Quelqu'un vous demande, Nicolas Dmitriev, » dit-elle. « Que vous faut-il ? » cria la voix de Nicolas avec colère. « C'est moi !» répondit Constantin en paraissant à la porte. « Qui, moi ?» répéta la voix de Nicolas sur un ton irrité. Lévin l'entendit se lever vivement en s'accrochant à quelque chose et vit se dresser devant lui la haute taille, maigre et courbée de son frère, dont l'aspect sauvage, hagard et maladif lui fit peur. Il avait encore maigri depuis la dernière fois que Constantin l'avait vu, 3 ans auparavant. Il portait une redingote écourtée. Sa structure osseuse, ses mains, tout paraissait plus grand. Ses cheveux étaient devenus plus rares, ses moustaches se hérissaient autour de ses lèvres, comme autrefois, et il avait le même regard effrayé qui se fixa sur son visiteur avec une sorte de naïveté. « Ah, oh, Kostia !» s'écria-t-il tout à coup en reconnaissant son frère, et ses yeux brillèrent de joie. Puis, se tournant vers le jeune homme, il fit de la tête et du cou un mouvement nerveux bien connu de Lévin, comme si sa cravate l'eût étranglé, et une expression toute différente, sauvage et cruelle, se peignit sur son visage maigri. « Je vous ai écrit à Serge Ivanitch et à vous, mais je ne vous connais pas et ne veux pas vous connaître. Que veux-tu? Que voulez-vous de moi ? » Constantin avait oublié ce que cette nature offrait de mauvais, de difficile à supporter, et qui rendait impossible toute relation de famille. Il s'était représenté son frère tout autre en pensant à lui. Maintenant, en revoyant ses traits, ses mouvements de tête bizarres, le souvenir lui revint. « Mais je ne veux rien de toi, » répondit-il avec une certaine timidité, « je suis tout simplement venu te voir. » L'air craintif de son frère adoucit Nicolas. « Ah, c'est ainsi, » dit-il avec une grimace. « Alors dans ce cas, entre, assieds-toi. Veux-tu souper ? Macha, apporte 3 portions. Non, attends. Sais-tu qui c'est ? » dit-il à son frère en désignant l'individu mal vêtu. « C'est M. Krinsky, mon ami. Je l'ai connu à Kiev. C'est un homme très remarquable. La police le persécutait, naturellement parce que ce n'est pas un lâche. » Et il regarda chacun des assistants, comme il faisait toujours après avoir parlé. Puis, s'adressant à la femme qui était sur le point de sortir, il cria « Attends, te dis-je !» Il regarda encore chacun et se mit à raconter, avec la difficulté de parole que connaissait trop bien Constantin, toute l'histoire de Krinsky. Comment il avait été chassé de l'université pour avoir voulu fonder une société de secours et des écoles du dimanche, comment il avait ensuite été nommé instituteur primaire pour être aussitôt chassé, comment il avait été mis en jugement, on ne sait pourquoi. « Vous êtes de l'université de Kiev ?» demanda Constantin à Kritsky pour rompre un silence gênant. « Oui, j'en ai été, » répondit Kritsky, fronçant le sourcil d'un air mécontent. « Et cette femme, interrompit Nicolas en la désignant, est Maria Nikolaevna, la compagne de ma vie. Je l'ai prise dans une maison, mais je l'aime, je l'estime, et tous ceux qui veulent me connaître doivent l'aimer et m'honorer. Je la considère comme ma femme. Ainsi, tu sais à qui tu as affaire, et maintenant, si tu crois t'abaisser, libre à toi de sortir. » Et il jeta un regard interrogateur sur ceux qui l'entouraient. Bon, « je ne comprends pas en quoi je m'abaisserai. Alors, fais-nous monter 3 portions, Macha, 3 portions de l'eau de vie, du vin. Non, attends, non, non, c'est inutile, va. » « Vois-tu, » continua Nicolas Lévin en plissant le front avec effort et s'agitant car il ne savait ni que dire ni que faire. « Vois-tu ?» Et il montra dans un coin de la chambre quelques barres de fer attachées avec des sangles. « Vois-tu cela ? C'est le commencement d'une œuvre nouvelle que nous entreprenons. Cette œuvre est un arté professionnel, une association ouvrière. » Constantin n'écoutait guère. Il observait ce visage maladif de Ftizik et sa pitié croissante l'empêchait de prêter grande attention à ce que disait son frère. Il savait bien d'ailleurs que cette œuvre n'était qu'une encre de salut destinée à empêcher Nicolas de se mépriser complètement. Celui-ci continua. « Tu sais que le capital écrase l'ouvrier. L'ouvrier chez nous, c'est le paysan. C'est lui qui porte tout le poids du travail et quoi qu'il fasse, il ne peut sortir de son état de bête de somme. Tout le bénéfice, tout ce qui pourrait améliorer le sort des paysans, leur donner quelques loisirs et par conséquent quelques instructions, tout est englouti par le capitaliste. Et la société est ainsi faite que plus ils travailleront, plus les propriétaires et les marchands s'engraisseront à leurs dépens, tandis qu'eux y resteront bêtes de somme. C'est ça qu'il faut changer. » Et il regarda son frère d'un air interrogateur. « Oui, certainement, » répondit Constantin, en remarquant 2 taches rouges se former sur les pommettes des joues de son frère. « Et nous organisons un artel de serrurerie où tout sera en commun, travail, bénéfice, jusqu'aux instruments de travail eux-mêmes. » « Et où sera cet artel ?» demanda Constantin. « Dans le village de Vazdrem, dans le gouvernement de Kassan. Pourquoi dans un village, il me semble qu'à la campagne, l'ouvrage ne manque pas? Pourquoi y établir un artel de serrurerie? Parce que le paysan reste serf tout comme par le passé, et c'est à cause de cela qu'il vous est désagréable, à Serge et à Abtoine, qu'on cherche à les tirer de cet esclavage, répondit Nicolas, contrarié de cette observation. Pendant qu'il parlait, Constantin avait examiné la chambre triste et sale. Il soupira, et ce soupir irrita encore plus Nicolas. « Oh, je connais vos préjugés aristocratiques à Serge et à toi. Je sais qu'il emploie toutes les forces de son intelligence à défendre les maux qui nous accablent. »« Mais à quel propos parles-tu de Serge ?» dit Lévin en souriant. « De Serge, ben voilà pourquoi j'en parle !» cria tout à coup Nicolas à ce nom. « Voilà pourquoi ! Mais à quoi bon ?» Dis-moi seulement pourquoi t'es venu, tu méprises tout ceci, tant mieux, va-t'en au diable, va-t'en. » Et il se leva de sa chaise en criant, « Allez, va-t'en, va-t'en. » « Je ne méprise rien, » dit Constantin doucement, « je ne discute même pas. » Maria Nikolaevna entra en ce moment. Nicolas se tourna vers elle en colère, mais elle s'approcha vivement de lui, et lui dit quelques mots à l'oreille. Oh, je suis malade, je deviens irritable, dit Nicolas, plus calme et respirant péniblement. Et tu viens me parler de Serge et de ses articles. Mais ce sont de telles insanités, de tels mensonges, de telles erreurs. Comment un homme qui ne sait rien de la justice peut-il en parler? Avez-vous lu son article? Dit-il en s'adressant à Kritsky. Et s'approchant de la table, il voulut se débarrasser de cigarettes à moitié faites. Non, je ne l'ai pas lu, répondit Kritsky d'un air sombre, ne voulant visiblement prendre aucune part à la conversation. Et pourquoi? Demanda Nicolas avec irritation. Bon, parce que je trouve inutile de perdre ainsi mon temps. Permettez, comment savez-vous si ce serait du temps perdu? Pour bien des gens, cet article est inabordable parce qu'ils ne peuvent le comprendre, mais pour moi, c'est différent. Je lis au travers des pensées et je sais en quoi il est faible. Personne ne répondit. Kritsky se leva lentement et prit son bonnet. Oh, vous ne voulez pas souper? Bon, dans ce cas, bonsoir. Revenez demain avec le serrurier. À peine Kritsky fut-il sorti que Nicolas cligna de l'œil en souriant. « Pas fort non plus, celui-là, dit-il, je vous vois bien. » Kritsky l'appela du seuil de la porte. « Qu'y a-t-il ? » demanda Nicolas, et il alla le rejoindre dans le corridor. Resté seul avec Maria Nikolaevna, Lévin s'adressa à elle. « Êtes-vous depuis longtemps avec mon frère ? » lui demanda-t-il. « Depuis bientôt 2 ans. » Sa santé est devenue faible, il boit beaucoup. Comment l'entendez-vous? Il boit de l'eau de vie, cela lui fait mal. Et en boit-il avec excès? Demanda Lévin à voix basse. Oh oui, répondit-elle en regardant avec crainte du côté de la porte où se montra Nicolas Lévin. De quoi parlez-vous? Dit-il en les regardant l'un après l'autre, les yeux effarés et enfonçant le sourcil. Oh, « de rien, » répondit Constantin, confus. « Ah, vous voulez pas répondre? Eh bien, répondez pas. Mais tu n'as que faire de causer avec elle. C'est une fille et toi un gentilhomme. Je vois bien que tu as tout compris et jugé, que tu considères mes erreurs avec mépris, » dit-il en élevant la voix. « Nicolas Dmitrievitch !» murmura Marie Nikolaevna en s'approchant de lui. « C'est bon, c'est bon. Eh bien, et ce souper? Ah, le voilà !» dit-il en voyant entrer un domestique portant un plateau. « Par ici » continua-t-il d'un ton irrité, et aussitôt il se versa un verre d'eau-de-vie qu'il but avidement. « En veux-tu » demanda-t-il déjà rasséréné à son frère. Ne parlons plus de Sergi Ivanitch. Je suis tout de même content de te revoir. On a beau dire, nous sommes pourtant pas des étrangers l'un pour l'autre. Allez-moi donc. Raconte-moi ce que tu fais. » Continua-t-il en mâchant hâtivement un morceau de pain et en se versant un second verre. « Comment vis-tu ? » ?»« Mais, comme autrefois, seul à la campagne. Je m'occupe d'agriculture, » répondit Constantin en regardant plein de terreur l'avidité avec laquelle son frère mangeait et buvait et en tâchant de dissimuler ses impressions. « Pourquoi ne te maries-tu pas ?»« Cela ne s'est pas trouvé, » répondit Constantin en rougissant. « Pourquoi cela ? Quant à moi, c'est fini, je gâchais mon existence. J'ai dit et je dirai toujours que si on m'avait donné ma part de succession, quand j'en avais besoin, ma vie aurait été tout autre. » Constantin se hâta de changer de conversation. « Sais-tu que ton Vanyusha est chez moi, à Parkrovski, au comptoir, » dit-il. Nicolas eut un mouvement de cou nerveux et parut réfléchir. « Raconte-moi ce qui se passe à Pakrovski. La maison est-elle la même ? Et nos boulots, oh, notre chambre d'études ? Se peut-il que Philippe le jardinier vive encore ? Comme je me souviens du petit pavillon, oh, du grand divan. Ne change rien à la maison, marie-toi vite et recommence la vie d'autrefois. » « Je viendrai chez toi alors, si t'as une bonne femme. »« Et pourquoi ne pas venir maintenant ? Nous nous arrangerions si bien ensemble. »« Bah, je serais venu si je ne craignais de rencontrer Serge Ivanitch. »« Tu ne le rencontreras pas, je suis absolument indépendant de lui. »« Oui, mais quoi que tu dises, il te faut choisir entre lui et moi. » dit Nicolas en levant avec crainte les yeux sur son frère. Cette timidité toucha Lévin. Bien, si tu veux que je te fasse une confession au sujet de votre querelle, je te dirai que je ne prends parti ni pour l'un ni pour l'autre. Vous avez, selon moi, tort tous les deux, seulement chez toi le tort est extérieur, tandis qu'il est intérieur chez Serge. Ah ah ! Tu l'as compris ! Tu l'as compris ! Cria Nicolas avec une explosion de joie. Et si tu veux aussi le savoir, c'est à ton amitié que je tiens personnellement le plus, parce que... Pourquoi ? Pourquoi ? Constantin n'osait pas dire que cela tenait à ce que Nicolas était malheureux et avait plus besoin de son affection, mais Nicolas comprit et se reprit à boire d'un air sombre. « Ah, c'est Nicolas Dmitrievitch !» dit Maria Nikolaevna en tendant sa grosse main vers le carafon d'eau de vie. « Laisse, ne m'ennuie pas, sinon je te bats » cria-t-il. Marie eut un bon sourire soumis, qui désarma Nicolas et elle retira l'eau de vie. « Tu crois qu'elle comprend rien, celle-là ? » dit Nicolas. « Elle comprend tout mieux qu'on cas de nous. » N'est-ce pas qu'elle a quelque chose de gentil, de bon ? Vous n'aviez jamais été à Moscou ? Demanda Constantin pour dire quelque chose. Non, lui dis donc pas vous ! Écris cela ! Sauf le juge de paix qui l'a jugé quand elle a voulu sortir de la maison où elle était, personne ne lui a jamais dit vous ! Mon Dieu, comme tout manque de bon sens en ce monde ! S'écria-t-il tout à coup. « Ces nouvelles institutions, ces juges de paix, ces Smetsvots, oh, quelle monstruosité !» Et il entreprit de raconter ses aventures avec les nouvelles institutions. Constantin l'écoutait. Ce besoin de négation et de critique qu'il partageait avec son frère et qu'il exprimait si souvent, lui devint tout à coup désagréable. Ben, « nous comprendrons tout cela dans l'autre monde, » dit-il en plaisantant. « Dans l'autre monde, oh, je l'aime pas cet autre monde, je l'aime pas !» répéta Nicolas en fixant des yeux hagards sur son frère. « Il semblerait bon de sortir de ce chaos, de toutes ces vilainies, mais j'ai peur de la mort, j'en ai terriblement peur. » Et il frissonna. « Mais boilons quelque chose !» Veux-tu du champagne ou bien veux-tu que nous sortions? Allons voir les bohémiennes. Sais-tu que je me suis mis à aimer les bohémiennes et les chansons russes? Sa langue s'embrouillait et il sautait d'un sujet à un autre. Constantin, avec l'aide de Macha, lui persuada de ne pas sortir et ils le couchèrent complètement ivre. Macha promit à Lévine de lui écrire si c'était nécessaire et de tâcher de décider Nicolas à venir vivre chez lui. Le lendemain matin, Lévine quitta Moscou et vers le soir, il fut de retour chez lui. Pendant le voyage, il lia conversation en wagon avec ses compagnons de route, causa politique, chemin de fer, et, tout comme à Moscou, se sentit sous le poids du chaos de tant d'opinions diverses, mécontent de lui-même et honteux, sans savoir pourquoi. Mais quand il aperçut Ignace, son cocher borgne, le col de son cafetan relevé par-dessus les oreilles, son traîneau couvert d'un tapis qu'éclairait la lumière vacillante des lampes de la gare, ses chevaux, la queue bien ficelée avec leur harnachement de grelot. Quand le cocher, tout en l'installant en traîneau, lui raconta les nouvelles de la maison, comment Simon l'entrepreneur était venu, comment Pava, la plus belle de ses vaches, avait vêlé, il lui sembla sortir peu à peu de ce chaos et son mécontentement disparut aussi bien que sa honte. La seule vue d'Ignace et des chevaux lui avait été un soulagement. Mais une fois qu'il eut endossé la touloupe qu'on lui avait apportée et qu'assis bien enveloppé dans son traîneau, il se prit à songer aux ordres à donner en rentrant, tout en examinant le cheval de volée, son ancien cheval de selle, une bête rapide, quoique forcée, le passé lui apparut sous un tout autre jour. Il cessa de souhaiter être un autre que lui-même et désira simplement devenir meilleur qu'il n'avait été jusque-là. Mais d'abord, il n'espérerait plus de bonheurs extraordinaires et se contenterait de la réalité présente. Puis, il saurait résister aux mauvaises passions, comme celles qui le possédaient le jour où il fit sa demande et enfin... Il se promit de ne plus oublier Nicolas et de chercher à lui venir en aide quand il serait plus mal. Hélas, il craignait que ce ne fût bientôt. La conversation sur le communisme qu'il avait si légèrement traité avec son frère lui revint en mémoire et le fit réfléchir. Il considérait comme absurde une réforme des conditions économiques, mais n'en était pas moins frappé du contraste injuste de la misère du peuple comparée au superflu dont il jouissait. Il se promit de travailler dorénavant plus qu'il ne l'avait fait et de se permettre moins de luxe que par le passé. Plongé dans ses réflexions, il fit le trajet de la gare chez lui sous l'impression des pensées les plus douces. Une faible clarté tombait des fenêtres de sa vieille bonne sur le perron couvert de neige. Kousma, le domestique, réveillé en sursaut, se précipita pieds nus et à moitié endormi pour ouvrir la porte. Laska, la chienne de chasse, courut aussi à la rencontre du maître et, renversant presque Kousma sur son passage, accueillit Lévine debout sur ses pattes de derrière avec le désir évident de lui planter celle de devant sur la poitrine. « Vous êtes revenu bien vite, mon petit père, » dit Agathe Mikhailovna. Bon, « je me suis ennuyé à Moscou, Agathe Mikhailovna. On est bien chez les autres, mais on est mieux chez soi, » dit-il en plaçant dans son cabinet. Le cabinet s'éclaira aussitôt de bougies apportées à la hâte. Les détails familiers lui en apparurent peu à peu, les grandes cornes de cerf, les rayons chargés de livres, le miroir, le poêle avec ses bouches de chaleur qui demandaient depuis longtemps à être réparées, le vieux divan de son père, la grande table, et sur celle-ci un livre ouvert, un cendrier cassé, un cahier couvert de sang d'écriture. En se retrouvant là, Il se prit à douter de la possibilité d'un changement d'existence tel qu'il l'avait rêvé, chemin faisant. Toutes ces traces de sa vie passée semblaient lui dire « Ah non, tu ne nous quitteras pas, tu ne deviendras pas autre, tu resteras ce que tu as toujours été, avec tes doutes, tes perpétuels mécontentements de toi-même, tes tentatives stériles d'amélioration, tes rechutes et ton éternelle attente d'un bonheur qui n'est pas fait pour toi. » Voilà ce que disaient les objets extérieurs. Une voix différente parlait dans son âme, lui murmurait qu'il ne fallait pas être esclave de son passé, qu'on faisait de soi ce qu'on voulait. Obéissant à cette voix, il s'approcha d'un coin de la chambre où se trouvaient deux poids pesant chacun 1 pound. Il les souleva pour faire un peu de gymnastique et tâcher de se retrouver fort et courageux. Un bruit se fit entendre près de la porte. Il déposa aussitôt ses poids. C'était l'intendant. Il commença par annoncer que, grâce à Dieu, tout allait bien, puis il avoua que le sarrasin avait brûlé dans le nouveau séchoir. Lévi en fut irrité. Ce séchoir construit et en partie inventé par lui n'avait jamais été approuvé par l'intendant, qui annonçait maintenant l'accident avec calme et avec un certain air de triomphe modeste. Lévi était persuadé qu'on avait négligé des précautions, 100 fois recommandées. La mauvaise humeur le prit, et il gronda l'intendant. Mais il apprit un événement heureux et important. Pava, la meilleure, la plus belle des vaches, achetée à l'exposition, avait vêlé. Kousma, de ma touloupe, et vous faites allumer une lanterne, j'irai la voir, dit-il à l'intendant. L'étable des vaches de prix se trouvait tout près de la maison. Lévine traversa la cour en longeant des tas de neige accumulés sous les buissons de lilas, s'approcha de l'étable et en ouvrit la porte à moitié gelée sur ses gonds. Une chaude odeur de fumier s'en exhalait. Les vaches, étonnées de la lumière inattendue des lanternes, se retournèrent sur leur litière de paille fraîche. La croupe luisante et noire, tachetée de blanc, de la vache hollandaise brilla dans la pénombre. Berkout, le taureau, l'anneau passé dans les lèvres, voulut se lever, puis changea d'idée et se contenta de souffler bruyamment quand on passa près de lui. La belle Pava, immense comme un hippopotame, était couchée près de son veau qu'elle flairait et auquel elle formait un rempart de son corps. Lévin entra dans la stalle, l'examina et souleva le veau tacheté de blanc et de rouge sur ses longues pattes tremblantes. Pava beugla d'émotion, mais se rassura quand Lévin lui rendit son nouveau-né, qu'elle se mit à lécher en soupirant lourdement. Le petit animal se blottit sous les flancs de sa mère en remuant la queue. « Éclaire par ici, Fédor, donne la lanterne, » dit Lévin en examinant le veau. « Ah, c'est sa mère, quoiqu'il ait la robe du père. La jolie bête, longue et fine. N'est-ce pas qu'elle est jolie, Vassili Fedorovitch ? » dit-il en se tournant vers son intendant, oubliant, dans le plaisir que lui causait la nouveau-née, l'ennui du sarrasin brûlé. « Ah, il a de qui te dire, comment serait-il laid ? Simon, l'entrepreneur, est venu le lendemain de votre départ, Konstantin Dmitrievitch. Il faudrait s'arranger avec lui. » « J'ai déjà eu l'honneur de vous parler de la machine. » Cette seule phrase fit rentrer Lévin dans tous les détails de son exploitation, qui était grande et compliquée, et de l'étable, il alla droit au bureau où il parla à l'entrepreneur et à l'intendant. Puis il rentra à la maison et monta au salon. La maison de Lévin était grande et ancienne, mais il l'occupait et la chauffait en entier, bien qu'il y habitât seul. C'était absurde et absolument contraire à ses nouveaux projets, ce qu'il sentait bien, mais cette maison était pour lui tout un monde où avaient vécu et où étaient morts son père et sa mère, Ils y avaient vécu de la vie qui, pour Lénine, était l'idéal de la perfection, et qu'il rêvait de recommencer avec une famille à lui. Lévin se souvenait à peine de sa mère, mais ce souvenir était sacré, et sa femme, s'il se mariait, devait dans son imagination être semblable à cet idéal charmant et adoré. Pour lui, l'amour ne pouvait exister en dehors du mariage. Il allait plus loin, c'est à la famille qu'il pensait d'abord, et ensuite à la femme qui devait la lui donner. Ses idées sur le mariage étaient donc fort différentes de celles que s'en formaient la plupart de ses amis, pour lesquels il représentait uniquement un des nombreux actes de la vie sociale. Lévin le considérait comme l'acte principal de l'existence, celui dont tout son bonheur dépendait. Et maintenant, il fallait y renoncer. Quand il entra dans son petit salon où d'ordinaire il prenait le thé, et qu'il s'assit dans son fauteuil avec un livre, tandis que Agathe Mikhailovna lui apportait sa tasse et se plaçait près de la fenêtre en disant comme d'habitude « Permettez-moi de m'asseoir, mon petit père. » Il sentit, chose étrange, qu'il n'avait pas renoncé à ses rêveries et qu'il ne pouvait vivre sans elle. Serait-ce Kitty ou une autre, mais cela serait. Ces images d'une vie de famille future occupaient son imagination, tout en s'arrêtant parfois pour écouter les bavardages d'Agathe Mikhailovna. Il sentait que dans le fond de son âme, quelque chose se modérait, mais aussi se fixait irrévocablement. Agathe Mikhailovna racontait comment Prokhor avait oublié Dieu et, au lieu de s'acheter un cheval avec l'argent donné par Lévin, s'était mis à boire sans trêve et avait battu sa femme presque jusqu'à la mort. Et, tout en écoutant, il lisait son livre et retrouvait le fil des pensées éveillées en lui par cette lecture. C'était un livre de Tyndall sur la chaleur. Il se souvint d'avoir critiqué Tyndall sur la satisfaction avec laquelle il parlait de la réussite de ses expériences et sur son manque de vue philosophique. Et tout à coup, une idée joyeuse lui traversa l'esprit. « Dans 2 ans, je pourrais avoir 2 Hollandaises, et Pava elle-même sera encore là. 12 filles de Berkut pourront être mêlées au troupeau, mais ce sera superbe. » Et il se reprit à lire. Eh bien, mettons que l'électricité et la chaleur ne soient qu'une seule et même chose, mais peut-on employer les mêmes unités dans les équations qui servent à résoudre cette question? Non. Eh bien alors, le lien qui existe entre toutes les forces de la nature se sent de reste instinctivement. Ah, et quel beau troupeau, quand la fille de Pava serait devenue une vache rouge et blanche! Nous sortirons, ma femme et moi, avec quelques visiteurs pour les voir entrer. Ma femme dira, Kostia et moi avons élevé cette génisse comme un enfant. Bon, comment cela pourra-t-il vous intéresser, dira le visiteur. Mais ce qui l'intéresse m'intéresse aussi. Mais qui sera-t-elle? Et il se rappela ce qui s'était passé à Moscou. Qui fait, je n'y peux rien. Mais maintenant tout marchera autrement. C'est une sottise que de se laisser dominer par son passé. Il faut lutter pour vivre mieux, beaucoup mieux. Il leva la tête et se perdit dans ses pensées. La vieille Laska, qui n'avait pas encore bien digéré son bonheur d'avoir revu son maître, était allée faire un tour dans la cour en aboyant. Elle rentra dans la chambre, agitant sa queue de satisfaction et rapportant l'odeur de l'air frais du dehors, s'approcha de lui, glissa sa tête sous sa main et réclama une caresse en geignant plaintivement. « Il ne lui manque que la parole, dit la vieille Agathe. C'est qu'un chien pourtant, mais il comprend que le maître est de retour et qu'il est triste. Pourquoi triste? Oh, ne loue-je donc pas, petit père. Il est temps que je connaisse les maîtres, n'ai-je pas grandi avec eux? Pourvu que la santé soit bonne et la conscience pure, le reste n'est rien. Lévin la regarda attentivement, s'étonnant de l'avoir ainsi deviné ses pensées. Et si je remplissais une seconde tasse, dit-elle, et elle sortit chercher du thé. Laska continuait à fourrer sa tête dans la main de son maître. Il la caressa et aussitôt elle se coucha en rond à ses pieds, posant la tête sur une de ses pattes de derrière, et pour mieux prouver que tout allait bien et rentrer dans l'ordre, elle ouvrit légèrement la gueule, glissa la langue entre ses vieilles dents, et avec un léger claquement de lèvres, s'installa dans un repos plein de béatitude. Lévin suivait tous ses mouvements. « Je ferai de même, pensa-t-il. Tout peut encore s'arranger. »